Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, Lost in Space, votre rendez-vous plutôt punk qui sera carrément super punk ce soir. C'est sur les ondes du 100 FM à 21h tapante. Super punk donc, parce qu'on va faire une session complètement dédiée à ce genre avec du punk récent, du punk ancien et du punk encore en veux-tu, en voilà. Allez, c'est parti! Thank you. thinking of you. Oh! 18h, bureau de France 2 à Lille. EC, chef de service des correspondants régionaux de France 2, nous téléphone à propos d'inondations dans le Nord. Elle lit une dépêche AFP, plutôt alarmiste, qui fait état de la crue importante de plusieurs rivières. Attention à un deuxième Vaison-la-Romaine. On met en place le plan Orsec, surveillez ça de près. Grande excitation dans sa voix. Je lui dis que nous allons vérifier cette information et lui fais remarquer la différence de configuration de terrain. À Vaison-la-Romaine et dans le Nord, c'est plus plat. La remarque l'énerve. Elle me dit que Télématin voudra certainement quelque chose et que le 13h du lendemain est déjà preneur d'un sujet. Elle relit la fin de la dépêche qui précise qu'une réunion d'urgence est fixée à la sous-préfecture d'Avesnes-sur-Helpe. Passez la nuit avec eux s'il le faut. En plus, la dépêche parle d'un barrage saturé. Ça a l'air sérieux. Still my opinion, man, I see you standing on. Soundtrack. I'm leaving home and I'm never gonna come back. A record collection reduced to a mixtape. Je suis crevé après une journée de reportage sous la pluie et ce genre de sujet ne me passionne plus beaucoup. Je vérifie donc succinctement la nouvelle auprès de mes confrères de France 3 et je transmets la demande de ECACH, correspondant régional de France 2 à Lille. Celui-ci se trouve en montage d'un sujet pour le 20h. CH me dit qu'il n'y a pas de quoi s'affoler, je verrai plus tard. We'll be right back. There's no talking to you. It's so sad that you're leaving. It takes time to believe it. But after all is said and done, you're gonna be the lonely one. Oh, do you believe in life after love? I can feel something. Supposed to do sit around and wait for you. Well, I can't do that, and there's no turning back. I need time to move on. I need love to feel strong, 'cause I've had time to think it through, and maybe I'm too good for you. Oh, do you believe in life after love? I can feel something. Entrant des convulsions diverses où la haine et la violence ont pris pied. Cette enquête sur les ressorts intimes du pouvoir macroniste, écrite en octobre 2018, vient donner raison à ces haines et violences que l'on s'est tant plu à déconsidérer. Impubliable institutionnellement, elle l'est du fait des liens de corruption, de népotisme et d'endogamie que l'on s'apprête à exposer. Tous les faits pourtant ont été enquêtés et vérifiés au détail près. Ils exposent un scandale démocratique majeur, la captation du pouvoir par une petite minorité, qui s'est ensuite assurée d'en redistribuer l'usufruit auprès des siens en un détournement qui explique l'explosion de violence à laquelle nous avons assisté. Let's have a drink. Back when the world ended, your great-grandfather had wrote letters of apology to all of those families of the men who could let you hold. Hunted to this death by the land of the coast. Lie, you rival, great-grand, I came back from my name. Transformed into a damaged by the man. Never spoke of the slaughter he witnessed firsthand. It's okay. Il explique, car le scandale dont il est sujet n'a pas été dit ni révélé, nourrissant à force de compromissions successives une violence qui ne pouvait qu'éclater. En un pays où 90% de la presse est entre les mains de quelques milliardaires, l'exposition de la vérité est affaire complexe et la capacité à dire et se saisir du réel ne cesse, pour les dirigeants et les élites, tout autant que pour le peuple, de se dégrader. Tell you what to do. Socially, you've lost your mind. tattooed below his eye. His mother cries, she knows that he is strong enough to die. He's rolling in the Cadillac, his midnight sunroof is down. Three shots right out of here, I'm dead. The new king is crowned. Black or white shoes, play head killer. Yeah, the point of time bomb. It happened because they used to treat them very, very rough. And when they protested once, they would not do it again so easily. Hey, conquers all in the ashes of the fall. With our backs against the wall. With our backs against the wall. Watch the empire fall. Watch the nation dissolve. With our backs against the wall. With our... Never given to the sympathy, never given to reality. No one could save us, so build up and lock the gate. Never given to our sensory, never given to the honesty. No one could save us. To the sympathy, never given to reality. No one could save us. And you know what? The audience swung back, and I thought it was very appropriate. The audience hit back, and that's what we need a little more of. Un Français sur deux, un sondage YouGov du 4 décembre 2018, souhaite la démission de Macron. Il faut mesurer la force de ce chiffre. Il ne s'agit pas de dire que le président de la République déplairait à un Français sur deux. Mais qu'un Français sur deux, dont une immense majorité croit et adhère au système politique existant, à peine un an après une élection présidentielle, considère que son résultat devrait être invalidé par le départ de celui qui, théoriquement, devait les diriger pendant 5 ans. Il n'est pas difficile d'en déduire qu'une très ample majorité l'approuverait si cette chute ou destitution intervenait. Comment l'expliquer alors que formellement, cet être semble avoir respecté l'ensemble des conditions qui font qu'une élection puisse apparaître démocratique ? tout simplement en montrant que cet être n'a respecté que formellement notre système démocratique et l'a au contraire effondré. Et que l'illégitimité ressentie par une majorité de nos concitoyens correspond à une réalité. Assalamu alaikum, Mike. Wa alaika salam. don't like that. Baby, baby, my little baby. When I was a young boy, you said Cela, nos journalistes et commentateurs, partis politiques, se refuseront toujours à le dire et à le croire, à l'enquêter. Cela est naturel, car nous allons montrer, ils ont été complices et principaux vecteurs du viol démocratique qui est intervenu, jeu d'apparence où l'on a présenté un être au peuple pour en masquer la réalité. Reality's a dream. A game in which I seem to never find out just what I am. I don't know if I'm an actor or ham, a shaman or sham. But if you don't mind, I don't mind. I'm lost without a clue. So how can I undo the tangle of these webs? I keep weaving. I don't know if I should be believing this empty perceiving. But if you don't mind, I bet that you didn't care, but gambling never got me anywhere. This time I used to be so sure, something about you made me doubt you more. Can you convince me, when everything I see just makes me feel you're putting me down? And if it's true, this pathetic clown will keep hanging around. That's if you don't mind. I stayed at home. When I'm dreaming, just lying in my bed, What do I get? Oh, what do I get? Les mots sont durs et pourtant vous allez le découvrir, ils sont justifiés. Celui que nous nous apprêtons à abattre symboliquement a pris le pouvoir, littéralement aux dépens des principes démocratiques et républicains auxquels nous adhérons et par lesquels nous demandons son départ ou sa destitution. And I to come undestined for anything at all. Downtown lights will be shining on me like a new diamond. To come, I'm destined for anything at all. Dumb shark, call me stupid. Good luck, you're gonna need it where I'm going if I get there. Il n'y a nulle sédition dans l'appel au départ d'Emmanuel Macron, car c'est lui et les intérêts qui l'ont formé qui, pour prendre le pouvoir, se sont comportés en séditieux. Mesurons l'importance de ces mots qui nous départissent d'un quelconque désaccord politique. C'est le sens même de notre confrontation à cet être, l'idée même que nous appartiendrions à un même ensemble qui s'en trouve affecté. Nous sommes en situation d'exceptionnalité. Yeah. 24-year-old woman was killed in front of her two young sons today. The suspect was armed with a handgun. I walk down my street, you see me home in the end. Now there's spray paint on the walls. I see a house that at one time looked nice, but now it is abandoned. There's nothing left at all. So I must mean that our chances fly. And when oh, will we ever see home again? And I, is it so hard to say goodbye? Oh, well, at least I can still remember when our city used to be such a beautiful place. But now you can't walk down the street and things don't seem the same. My hands are in the air, it makes no sense to me. And I cannot explain this tragedy. I push up to the city, I remember thinking that the buildings look so tall. And when I see the miles on the ground, the ships of city rabbit, they seem not rather small. So I must be that our chances fly. And when oh, will we ever see hope again? Why, is it so hard to say goodbye? Oh, well, at least I can still remember when our city used to be such a beautiful place. But now you can't walk down the street and things don't seem the same. My hands are in the air, it makes no sense to me. And I cannot explain this tragedy. It's a flu that surrounds me. A virus spreading through the street. It astounds me. Homesickness. The city used to be such a beautiful place. But now you can't walk down the street and things don't seem the same. My hands are in the air. It makes no sense to me. And I cannot explain this tragedy. Remarquez la chose suivante, aucune parole institutionnelle dans les médias, les partis politiques ou ailleurs ne se fait la porteuse de ce désir de destitution alors que, nous l'avons vu, il concerne à minima la moitié de la population. Aucun, à l'exception des gilets jaunes que l'on invite et traite avec folklore pour les décrédibiliser sur les plateaux télévisés, ne s'est saisi de cette revendication principielle. Or, c'est bien le rôle du médiatique et du politique en une société démocratique et libérale, représentative, que de porter la parole et les intentions de la population. Si la chose n'intervient pas, si elle n'intervient pas avec une telle férocité, alors le principe de notre régime s'en voit affecté. love affair, which made our love a love story. Oh, how can you ever let me down? How can you ever let me down? How can you ever let me down? These promises are made for us. We promise that we'd always have time for each other whenever I needed you tonight. We promise to be true, there'd be no other. We promise that forever we would care. Oh, how can you ever let me down? How can you ever let me down? How can you ever let me down? These promises are made for us. We had to change, or let you stay the same. You wouldn't change. Oh, what a shame. Fielding a love affair, oh, strictly meant for fools. Oh, why did you ever let me down? Why did you ever let me down? Why did you ever let me down? Those promises were made for us. You never have any time for me whenever I need you. You've never been true and it's plain to see. The fact is you never really cared. Oh, why did you ever let me down? Why did you ever let me down? Why did you ever let me down? Those promises hit and Cela, et cela seul, justifierait la violence qui a explosé. Car comment ces êtres pourraient-ils se faire entendre en un système où leur parole n'est pas seulement niée, mais tout simplement invisibilisée ? En ce paradoxe que personne ne souhaite traiter, la preuve d'une défaillance profonde, d'un échec qu'il s'agit de corriger. When it takes déjà un peu de temps. J'en ai baissé comme des glands. Pensez que j'en ai mis tirant. Pensez que j'ai tout vers le mort. On est baissé, toujours baissé. Encore baissé, bien que baissé. Les jeunes ont réfléchi, on se retrouve peut-être pourri. On voudrait bien tout changer, on sait de possibilité. On est baisé, toujours baisé. Encore baisé, rien que baisé. Alors il y a plus de vie, il y a même plus de boulot. On chercherait bien des combines, car c'est l'argent qu'il nous faut. On est baisé, toujours baisé. Encore baisé, bien que baisé. J'en ai baisé comme des gants, par Giscard ou Mitterrand, par putain de gouvernement. On est baisé, toujours baisé. On est baisé, toujours baisé. Nous les jeunes on réfléchi, on se rend compte que c'est pourri. On voudrait bien tout changer, à cette possibilité. On est baisé, toujours baisé. Encore baisé, bien sûr baisé. Tous semblent pris dans la nasse de ce qu'il conviendra d'appeler, et nous le justifierons, un système oligarchique. À savoir un espace public dominé par des individus dont la fortune dépend directement ou indirectement de l'État et qui l'ont investi pour prendre le contrôle des médias et ainsi s'assurer de la préservation de leurs intérêts au détriment du bien commun. I'd sure appreciate it if you'd get some of that down here. What? Oh, sure. Here, a cook. Give it a try here. Boss? Hound dog. Jake. All right, Jake. Come on over here, boys. We're done. Get this guy in here. Get it, Fallen, from back to top, and everyone is turned, never really just gone. This country fallen, from back to top, and everyone is turned.